ne sera plus jamais comme avant. De mes états d'esprit à mes réflexions savantes, j'ai glissé sur un savon, j'ai dévalé la pente. J'ai fait tellement d'erreurs et maintenant je m'en repente. J'ai vu tellement d'horreurs et à l'inverse de dorures que je pense qu'il est enfin l'heure de grimper au-dessus de ce mur qui m'empêche d'avancer. Pour ça donc j'ai pensé qu'il fallait que je me dépense plutôt que de jacasser. En plus de ça je compense par ce son dédicacé à ceux que j'ai blessés, à ceux que j'ai cassés. Face à eux je suis glacé, mais je me suis ramassé à cause de trucs qui à l'époque m'ont totalement dépassé. J'ai décidé de me lancer, continuer d'avancer sur des beats cadencés parce que j'en ai assez de déprimer, de dériver, démotiver, des mots qui véhiculent le vrai. Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais. Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais. Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Je le vois aux étés qui sont bien plus tristes qu'avant. Mais j'affronte la vie en bravant ses épreuves et les pièges qu'elle tend dorénavant. J'aurais plus de sourire pour les graves et je ferai gaffe à ce que je te gaffe pas. Comme t'as pas de fight, pas de bafka. Sauf si tu tacles mes proches, mon poing se décochera. Si tu m'appelles un gars cool, décrochera. Peu importe s'il faisait un rêve ou un cauchemar. Plus de cochonne dans mon pieu, je redémarre avec un nouveau cochonnet. C'est l'amour que je garde pour mon entourage, mais pas les vautours. Autour de mon pâturage, y'a pas de clôture. Viens tester mes phrases, ça en vaut le détour. Même si t'en es sûr, j't'assure. Ce n'est pas dur, mais rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais. Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais. Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais comme avant. Yeah, yeah. P-H-I-R, P-H-I-R. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. 2009, une nouvelle ère, un nouvel album, tu le sais, C'est comme ça que ça se passe, à chaque fois, Yeah, big up, à tout mon entourage. À tous ceux qui m'inspirent, même les pires, Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais. Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais. Rien ne sera plus jamais, jamais. Rien ne sera plus jamais comme avant.